t'avais déjà promise et qui n'ai jamais fait d'erreur. Quelle est cette étrange méprise que notre homme a mis dans mon cœur? Quel est cet étrange désir d'avoir son visage sous mes mains? Son destin au mien, je pense à lui, je pense à lui. Je pense à lui, à tous les mots qu'il me raconte. Pourquoi devrais-je en avoir honte? Même si j'ai peur de ce qu'il dit, je pense à lui. Je sais qu'il a connu des femmes, mais je sais qu'il n'était pas droit, qu'il était le feu sans la flamme. Avec moi, avec moi, il est devenu le prince charmant d'autrefois, celui que j'ai toujours voulu. Quand dans mes rêves, il était là. Je pense à lui, je pense à lui. Pourquoi devrais-je en avoir honte de tous ces mots, même si j'ai peur de ce qu'il dit? Je pense à lui, je pense à lui. Je vis chacune de nos secondes comme un cadeau, même si j'ai peur de ce qu'il dit. Même si j'ai peur, je pense à lui. Je pense à lui.